cours numéro 2. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. فلا نزال نقرأ ولله الحمد في هذه الرسالة المختصرة نصيحة لأهل السنة للإمام أبي عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله تعالى. نصيحة مختصرة أكون سي pour أهل السنة. تقدم معنا أن ce conseil c'est principalement concernant الخلاف بين أهل السنة. فالخلاف شر كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. فالسني في tout pour s'écarter du خلاف. تقدم معنا في درسنا في الملخص الفقهي كتاب الصيام لشابيتر دو الصيام أن بعض العلماء رحمة الله عليهم ils ont choisi un قول dans la mas'ala qu'on a vu sur le fait de débuter le mois de Ramadan, est-ce que tu suis tel pays amla, est-ce que si tel pays ils ont déclaré que demain c'est Ramadan, tout le monde doit suivre. معنى القول الصحيح c'est que tout le monde doit jeûner, لكن بعض العلماء كشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه والشيخ الألباني رحمه الله ينصحون أن كل واحد يجن avec son bilad pour éviter la division jusqu'à ce que l'umma se rassemble sur هذا. Et si un pays il a vu le hilal, tout le monde jeûne, falhamdulillah, wa illa se diviser au sein du même pays que le wahid jeûne, ça fait du mal, les shaytan y rentrent. Et on le voit à chaque fois au début de Ramadan. Kalam kathir. Et kathir ou minannas, ils ne comprennent pas ces messages. Et certains yat'anoun dans tel pays, ce pays s'attarde toujours, ce pays il est toujours en avance. Il a akhiré, les shaytan il en profite pour diviser et rendre malade les cœurs. Ta'ammalou mawqif ahlul ilm. Pour fermer cette porte, يقولون, tu suis ton pays, ils ont la conviction, c'est que tout le monde doit jeûner. Ils donnent de l'importance à l'ijtima'a. On ne doit pas laisser le shaytan nous diviser pour atfah al-asbab. Le shaytan yajri majra al-tam. Et il est haris, kull al-hirs pour nous diviser. Et si on ne fait pas attention, et si on ne donne pas de l'importance à l'ijtima'a, Al-Haq, bien sûr, peut-être que des choses qui méritent pas de se diviser, elles nous diviseront. Ça arrive dans certains pays, dans certaines villes. Al-Nawad al-Ikhwa, ils se parlent plus ou ils sont divisés pour des choses. Al-Haqiqa, ça ne mérite pas. À ne pas se précipiter. Ton frère, il est en divergence ma'ak et tu te précipites directement. Hadrun wa tahdhirun. Il a akhir. Là, même si c'est une divergence, même si t'as le haq, même si lui se trompe et t'as le délil, il a akhir. Il y a des moyens pour régler. Il y a des choses. Le nasiha, le bayan, le sabr, le sulh. Il y a beaucoup de choses pour régler. Pourquoi se diviser, c'est pas fait maslahati ahad. Quand on se divise, personne n'est gagnant. C'est ce qu'il veut le shaytan, faqat. Amma Allah subhanahu wa ta'ala amrana bil ijtima'. Lakin ça arrive que ton frère il se trompe ou il se met en colère ou il n'a pas compris une chose. Nahnu, on ne doit pas aider shaytan wa nufrih shaytan. Et au lieu d'essayer de régler les choses, on aggrave la situation. Là, même si ton frère il s'est trompé dans une mas'ala grave, montre-lui billati hiya ahsan. Montre-lui billati hiya ahsan bi rifq. L'essentiel, c'est que ce frère, il revienne. L'essentiel, c'est que ce musulman, il ne s'égare pas. Enfin, on fait tout pour montrer. On fait tout pour préserver. Et si Wahad, il ne veut pas, il s'entête, et harab ahl al-haq, et c'est lui qui veut la division, enfin, on ne peut rien pour lui. Mais dans certains cas, au début, la mas'ala n'est pas trop grave. Le problème peut être réglé au départ, là qu'un shaitan y rentre et ça s'amplifie avec le temps. Thumma à la fin, c'est très très dur de régler les choses. Kullu wahid, il veut le bien pour son frère. Kullu wahid, il espère que son frère, il est à l'al-haq. C'est ça notre but. Qu'est-ce qu'on va gagner si un tel il s'égare? C'est pour ça que sunni, même si il y a le kafir, il revient, wa yatub yafrah. On doit être heureux pour notre frère, on doit vouloir son bien. Enfin, s'il revient à la tariq, on est la cause. Fata al-ajr, tu lui as montré tes sababs. Alhamdulillah, ça doit être notre but. قال الشيخ مقبل رحمه الله وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما حضر النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي البيت رجال فيهم عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال هلما أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده لما حضر النبي صلى الله عليه وسلم أي كان مريضا مرض موته عليه الصلاة والسلام إلى بيانته مغير عليه الصلاة والسلام فقال هلما أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعدي إلا غادي أمني موى un kitab, je vais vous dire, écrivez, je vais vous dire des choses. Vous ne vous égarerez pas après moi. Et si vous suivez ces choses. قال عمر رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع وعندكم القرآن وحسبنا كتاب الله. عمر رضي الله عنه, il a compris من هذا الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم il était très fatigué à cause de cette maladie. Et le Coran il nous suffit. عمر il a compris هكذا. واختلف أهل البيت واختصموا. D'autres ils ont compris là. Un Nabi صلى الله عليه وسلم il nous a dit, il va nous dicter telle chose, il doit le faire. فاختلفوا واختصموا. Ils ont divergé. في البيت, dans cette maison, il y avait le prophète صلى الله عليه وسلم malade. فمنهم من يقول قربوا يكتب لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا لن تضلوا بعده. ومنهم من يقول ما قال عمر رضي الله عنه فلما أكثروا اللغط والاختلاف عند النبي صلى الله عليه وسلم قال قوموا عني. Quand ils ont divergé auprès du prophète عليه الصلاة والسلام, le prophète صلى الله عليه وسلم il leur a ordonné de sortir. Et il n'a pas écrit ce kitab. Il n'aura pas dicté qu'est-ce qu'il doit faire. قال عبيد الله فكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول إن الرزية كل الرزية أي المصيبة ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب اختلافهم ولغطهم. ابن عباس رضي الله عنه il a démontré un ce qui a empêché que le prophète sallam il dicte ce kitab, c'est cette divergence qui a eu. وروى البخاري في صحيحه عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليخبرنا بليلة القدر فتلاحى رجلان من المسلمين. تلاحى أي تنازع. النبي صلى الله عليه وسلم il voulait leur informer c'est quand la nuit du destin. فتلاحى رجلان من المسلمين. Deux musulmans تنازعوا, ils ont divergé. فقال خرجت لأخبركم بليلة القدر فتلاح فلان وفلان فرفعت. النبي صلى الله عليه وسلم il leur a démontré un quand ces deux musulmans ils ont divergé, ils n'étaient pas d'accord, فرفعت. أي النبي صلى الله عليه وسلم il n'a pas pu les informer. وعسى أن يكون خيرا لكم فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة. والنبي صلى الله عليه وسلم il leur a démontré لعل ينحكمة. هي الحكمة عظيمة. وعسى أن يكون خيرا لكم. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam leur a démontré, Inch'Allah, ça sera un bien pour vous. Faites l'ijtihad pour rechercher la nuit du destin, la 9e, la 7e et la 5e. La 29e nuit de Ramadan, la 27e et la 25e. Ça montre que la Laylat al-Qadr n'est pas toujours dans la même nuit. Et ça montre, avec d'autres hadiths, al-Ghalib est dans les 10 dernières nuits de Ramadan. وربما تنتقل لكن dans les nuits impaires كثيرا. C'est pour ça que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il leur a démontré le 29, le 27 et le 25. Enfin, ces trois nuits, c'est le plus souvent Laylat al-Qadr, elle est dans ces trois nuits. Enfin, le muslim yajtahid dans ces trois nuits akthar, 25, 27 et 29. ولعل ياتي هذا معنا dans notre درس في الصيام ان شاء الله. وروى مسلم في صحيحه عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال اعتكف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم العشر الأوسط من رمضان يلتمس ليلة القدر قبل أن تبان له فلما انقضينا أمر بالبناء فقوض ثم أبينت له أنها في العشر الأواخر. النبي صلى الله عليه وسلم au départ il faisait الاعتكاف la moitié de رمضان. Il recherchait la nuit du destin. Ça nous montre un amin maqasid al-i'tikaf, c'est de rechercher la nuit du destin. Et il restait fil majid et faire des efforts. Laylan wa nahara. C'est pour ça que la sunnah, c'est de faire l'i'tikaf les 10 derniers jours. فأمر بالبناء فأعيد ثم خرج على الناس فقال يا أيها الناس إنها كانت أبينت لي ليلة القدر وإني خرجت لأخبركم بها فجاء رجلان يحتقاني معهما الشيطان فنسيتها فالتمسوها في العشر الأواخر من رمضان إلى أن قال مسلم رحمه الله وقال ابن خلاد مكان يحتقاني يختصماني بمعنى متقارب. الشيخ مقبل رحمة الله عليه il cite ces hadith pour démontrer la divergence entre muslims فيها ضرر, ça fait du mal. وروى أبو داود بسند صحيح عن أبي ثعلب الخشني رضي الله عنه قال كان الناس إذا نزلوا منزلا قال عمر وكان الناس إذا نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلا تفرقوا في الشعاب والأودية. هذا في السفر quand il voyageait رضي الله عنهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم il s'arrêtait dans certains endroits. Il y avait plusieurs groupes. Certains s'asseyaient vers tel arbre, d'autres vers tel arbre, d'autres tel endroit. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن تفرقكم في هذه الشعاب والأودية إنما ذلك من الشيطان. Il leur a démontré ce dispersement, un petit groupe vers tel arbre, un autre groupe vers tel arbre, un autre groupe un peu plus loin. Il leur a démontré هذا c'est من الشيطان. فتأملوا هذا الحديث. Cette chose de nos jours, on ne fait plus attention. Il y en a le khilaf, il est kathir dans des masaïl graves. Lakin à leur époque, même cette chose, à la base, il n'y a aucun mal. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il leur a démontré même cette dispersion. Quand on est en voyage, là, vous venez tous au même endroit, on reste ensemble. Qala, falam, yanzil ba'da dhalik manzilan, illan dhamma ba'duhum ila ba'd. Après avoir entendu cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les sahaba radiyallahu anhum, quand ils voyageaient, da'iman, ils restaient ensemble. L'un à côté de l'autre. حتى يقال لو بسط عليهم ثوب لعمهم. Il disait, si واحد, il aurait pris un bout de tissu, il aurait pu les mettre tous en dessous, tellement qu'ils étaient proches, serrés. Regarde, ils ont fermé les portes à Shaitan. هؤلاء الآن رضي الله عنهم أنهم يزفخم الباب الشيطان حتى sur ce point فما بالوك dans les autres مسائل. C'est pour ça qu'Ibn Mas'ud رضي الله عنه quand il a fait salat derrière Uthman رضي الله عنه et Ibn Mas'ud il voyait qu'il fallait faire deux et Uthman il a fait quatre quand ils lui ont dit pourquoi tu fais pas deux il a dit الخلاف وشر. Ils ont fermé les portes au خلاف لأن la divergence ça arrive la compréhension اجتهاد. Combien de مسائل on voit ensemble في الفقه. Il y a un khilaf بين أهل العلم et les hadiths, c'est le même. On a eu un exemple dans notre dars précédent sur Siyam. Le hadith, c'est le même, ça arrive. Al-Hadha, As-Sunni, fais attention à la divergence, que ça ne divise pas ton cœur avec celui de ton frère. Et Shaitan y rentre. قال وروى البخاري في صحيحه عن علي رضي الله عنه قال اقضوا كما كنتم تقضون فإني أكره الاختلاف حتى يكون الناس جماعة أو أموت كما مات أصحابي فإني أكره الاختلاف. Ils détestaient هم الاختلاف. Ils détestaient l'ikhtilaf. Ils savent que le shaitan y rentre min hadha al-bab. Et nahnu, on doit ressentir hadha kadhalik. Ne pas être heureux que tu as ce qawl et ton frère il a un autre qawl. Que pour avoir ce qawl et pour diverger avec ton frère. بعض الناس عياذا بالله ils ont هذا المرض. On dirait qu'ils veulent un qawl que pour ne pas être comme les autres. Ça, en fait, ça vient d'une tarbiya qui n'est pas une tarbiya qui est fondée sur sunnat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et si tu analyses al-kafara, ils appellent beaucoup à hada, à être différent, à avoir ton propre avis. Ils appellent beaucoup à hada. L'imam al-Ali, ils n'ont pas de dîn. Mais nous, là, tant qu'on peut être ensemble, avoir le même qawl, on fait des efforts. S'il y a une divergence et ça arrive, Cheikh Mukbil, rahmatullah alayhi, il va citer comment se comporter. فأنتم بحمد الله يا أهل السنة لستم كالروافض يكفر بعضكم بعضا وهكذا رؤوس الاعتزال يكفر بعضكم بعضا كما في كتب الملل والنحل. لماذا؟ لأن من صفات أهل البدع الافتراق والتفرق ومن صفات أهل السنة والجماعة الاجتماع. C'est pour ça qu'ils les ont appelés Ahl al-Sunnah wal Jama'a. C'est un groupe. Ou Ahl al-Bid'a wal Furqa. Parmi les caractéristiques de Ahl al-Bid'a, c'est la division. Tu trouves Rawafid, ils sont divisés en plusieurs groupes. Al-Kafara kadhalik, ils sont divisés en plusieurs groupes. Amma Ahl al-Haqq, famin awsafihim, parmi leurs caractéristiques, c'est al-Ijtima' al-Jama'a. Sunni, il aime bien le Jama'a. C'est pour ça qu'il obéit au gouverneur, c'est pour ça qu'il revient au savant. C'est pour ça que ahyanan il ferme les yeux sur des choses pour préserver le jama'a, il patiente pour préserver le jama'a. À m'en vouloir absolument avoir le dessus, quitte à diviser tout le monde, ça, c'est pas min al-hikma. Ça c'est min al-jahl et min al-dha'f. Qala amma ahl as-sunnah falhamdulillah ghalib ikhtilafihim fi mafhum hadith fi ibadat وردت عن الشارع متنوعة أو في حديث اختلفت أنظارهم في تصحيحه وتضعيفه لا غير ذلك من أسباب الاختلاف التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. شيخ الإسلام il a traité ce sujet dans une risale nafi'a رفع الملام عن الأئمة الأعلام ودافع عن أئمة العلم والسنة. Il a écrit cette risale, elle est très courte, pour démontrer un al-khilaf, ça arrive, la divergence. Il a démontré les causes. Et kadhalik, il a démontré que le sunni doit respecter les ulama, même s'il y a des divergences. Les divergences, ça arrive dans le fiqh. Amma alhamdulillah, l'aqida wahida. Al-manhaj il est wahid. Là, qu'il a compréhension dans certains sujets, fait le fiqh, fait l'ibadat, ça arrive. Comme, min. من مسائل اختلفوا فيها كساسوا في الصلاة كساسوا في الحج كساسوا في الصيام اختلاف كبير واسع لكن أولا تدوى صبوع أنه يدي أسباب يدي كوز parmi ces causes il a cité هنا أن الاختلاف يكون في مفهوم الحديث أي ils ont le même hadith لكن tel savant il l'a compris de telle façon un autre il l'a compris de telle façon ça peut être un خلاف في الصحابة رضي الله عنه. Les sahaba, ils ont divergé dans certains sujets de fiqh. Aou, min babi aoula, ceux qui sont venus après. Kadhalik, la cause, ça peut être sahat al-hadith. Certains savants, ils pensent que ce hadith, il est sahih. D'autres, ils disent, il est da'if. Enfin, ceux qui pensent qu'il est sahih, ils vont dire, telle chose, il faut la faire, mathalan. Ceux qui disent, il est da'if, ils vont dire, il n'y a pas de dalil. Ça fait une divergence. Fi hadha al-hal, al-sunni, il doit avoir un comportement. Al-alim qui fait un ijtihad, et il fait des efforts pour avoir le haq, on ne doit pas le mettre au même niveau qu'un mubtadi' un munharif qui combat le haq et qui divise volontairement. A'oudou billah. Ça, c'est pas maslak ahl al-sunnah, ahl al-hikma, abadan. Donc, ce qui fait beaucoup de mal dans ce genre de point, c'est ne pas discerner entre ahl al-haq ou ahl al-batil, entre l'ulama ou al-juhal, entre celui qui a une bonne niya, celui qui a une mauvaise niya. بعض الناس عيادا بالله يزيغزاجير ان واحد سي في ان خطا اي افوار سي سي فريمون اون ايرور لان البعض يزاكوز ان تيل دافوار في ان ايرور ديك تو فيان ريشيرشي سي با اون ايرور لكن سي اون قدر ان سي فريمون اون ايرور البعض سي بريسيبي دان سولوي كي افي اون ايرور سي فورسيمون ان ايغار نعوذ بالله نعوذ بالله سي بور سا كون كونساي لي فرير دو دوني دو لامبورطونس ا سو جون دو رسائل كو سا سو سيت نصيحه شيخ مقبل كو سا سو رفع الملام شيخ الاسلام او اوتر. Alors, il démontre comment se comporter. Et on répète, la ifrat ou la tafrit. Pas d'exagération et pas de tamir. كذلك. أن واحد في المصائب combat أهل الحق. يطعن في أهل العلم. Il a été conseillé, il veut parvenir et كأنه il a rien fait. Là, le juste milieu. Et pour suivre le juste milieu, il faut revenir à أهل العلم. Wallahi, tu peux réfléchir. Tu cherches la mas'ala, comment faire. La solution, c'est revenir à Ahl al-Ilm. Notre ilm, il est faible. Notre compréhension, elle est faible. On n'a pas beaucoup d'expérience. On n'a pas lu beaucoup de livres. On n'a pas vécu assez de choses pour comprendre certains points. Faroubama, on veut le khayr et on pense que c'est comme ça. Et si on ne revient pas à Ahl al-Ilm, ça fera plus de mal qu'autre chose. Revenir à Ahl al-Ilm, c'est eux qui connaissent le maslaha. C'est eux qui connaissent le mafsada. C'est eux qui savent... est-ce qu'il faut parler sur Foulane, est-ce qu'il faut patienter sur Foulane, est-ce qu'il faut faire telle chose. Amma, on délaisse, chacun il fait ce qu'il veut, et soi-disant il revient au Adillah, alors qu'il n'a pas le Qudra, là, ça fait que du mal. Là. Donc tu as deux choses, faire des efforts fil ilm et revenir à ahl al-ilm. Si on fait tous des efforts dans ces deux points, on fait tous des efforts fil ilm, beaucoup de masaïl on va les comprendre. Vous avez remarqué que Wa'ad, An-Nas, vu qu'ils n'ont pas étudié l'ilm et ne donnent pas de l'importance au ilm, Rabbama anta tu choisis un qawl. On parle du fiqh, on ne parle pas de masaïl des usul, la yajouz, al-ikhtilafia. Là, on parle du fiqh. Toi, tu as choisi un qawl. Et ce qawl, maintenant, c'est l'avis de l'imam Malik, de l'imam Abu Hanifa, de l'imam Ibn Taymiyyah, Ibn al-Qayyim, maintenant, de Shir Ibn al-Taymiyyah. Beaucoup de savants, tu as choisi ce qawl, tu as étudié la masala, tu penses que c'est cet avis. Wa'ad al-Nas, bisabab al-Jahl, il choisit un autre qawl qu'il n'a pas étudié là. Maintenant, il a entendu un cours, ou il a lu dans un livre, il faut faire telle chose, thumma il voit que tu ne fais pas, tu as un autre avis. Pour lui, on dirait que tu as khalif al-Qur'an, wa-sunna wa-l-ijma'a. Et tu es à deux doigts de l'inhiraf. Limada, l'an al-jahl. Il aurait étudié l'ilm, il saurait que cette mas'ala, il y a un khilaf kabir bayna ahl al-ilm. Beaucoup de savants, ils ont choisi ce qawl, d'autres, ils ont choisi ce qawl. Donc, ce n'est pas un sujet où si tu choisis un autre qawl, tu es un égaré. Abadan. Afiyad al-hal. Si c'est entre talabat al-ilm, là, bas, on discute sur le sujet, un iqash ilmi, je cite mes preuves, tu cites tes preuves, on recherche l'avis, Cheikh l'Islam, qu'est-ce qu'il a dit, Cheikh l'Albani, qu'est-ce qu'il a dit. Si on arrive, on est d'accord, alhamdoulilah, si on n'est pas d'accord, ça nous a rapprochés, on a fait cette recherche ensemble, on a eu du ajr ensemble, et alhamdoulilah, tu reconnais mes efforts, je reconnais les tiens, tu me respectes, je te respecte, mahabba, et on avancera ensemble. Lakin l'an al-ba'a. Cheikh Foulan il a dit, si tu dis, mais Cheikh Antel l'a dit, on dirait que t'es un égaré. C'est pas hakada l'ilm. Lakin, c'est quoi la cause, al-jahl? Bardanas, il a lu une risala, il croit que tout le ilm c'est cette risala. Surtout, fi masa'il al-fiqh. Combien, Wa'ad al-masa'il al-ulama, il cite 15, 20, 30 qawl. 10 avis, 15 avis, 20, 30. Que ça soit Laylat al-Qadr par exemple ou autre. Celui qui veut le khayr fait des efforts fait l'ilm. Amma wahad il veut que tout le monde suive son avis, c'est ça qui fait, c'est ça qui sème la division. At-tawadhu c'est important. La modestie est donnée de l'importance au ilm. Allahi nahnu on n'a encore rien fait fait l'ilm. On est qu'au début, vraiment au début. On n'a pas le droit de se précipiter et accuser un tel et un tel min ahl al-ilm qui ont fait beaucoup d'efforts et tous ces sacrifices qu'ils ont fait. Wahid il vient, il a lu quelque chose et il accuse l'autre, c'est un qawl batil, alors que c'est des a'imma qu'on soit juste ce qawl. Là, al-adab. Là, vous avez remarqué que depuis qu'on lit cette risala, c'est beaucoup lié au ilm. Beaucoup de ces masaïb qui arrivent à cette divergence, c'est à cause de l'jahl. Et la mauvaise niya. Deux choses, l'ignorance et la mauvaise intention. L'anaf al-haqiqa, même l'jahl, l'ignorant, il ne connaît pas grand-chose, s'il a une bonne intention, alhamdoulilah, ça l'aidera beaucoup. Lakin, ce qui fait beaucoup de mal, c'est al-jahl ma'a sou' al-qasd. Une mauvaise intention. Il ne sait pas et il ne veut pas écouter. Là, chacun n'a mis le haoula, ils font beaucoup de mal. Qala Cheikh Muqbil, rahimahullah. Wa amma ahl al-sunnah, falhamdoulilah, ghalibu ikhtilafihim fi mafhum hadith, fi ibadat. Waradat an al-shari' mutanawwi'a. أو في حديث اختلفت أنظارهم في تصحيحه وتضعيفه إلى غير ذلك من أسباب الاختلاف التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. Donc, إما صحة الحديث إما مفهوم الحديث. Ça c'est les deux principales causes de divergence entre أهل العلم. إما ils ont le même hadith, لكن la compréhension c'est pas la même. صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. Cette مسألة qu'on a vu dans le dors précédent. Certains savants, ils ont dit, le premier pied qui jeûne, tout le monde suit. D'autres, ils ont dit, soumou le ru'yatihi wa aftiru le ru'yatihi. S'ils sont dans le même matla, matali' al-hilal. Kadhalik min al-asbab, min haitha al-sihha wa al-dha'af. Aïe, sihata al-dalil, al-hadith. Certains savants, ils ont fait un ijtihad, ils ont dit les da'ifs. D'autres savants, ils ont fait un ijtihad, ils ont dit les sahih. Et ahyanan, c'est très très précis. Hadith, il faut beaucoup d'efforts, un long bahth il arrive pour savoir est-ce qu'il est sahih ou la. قال انتم تعلمون يا اهل السنه ان اعداءكم يشمتون بكم وان اعداء الاسلام ما يهابون الا اياكم فهم يحرصون على تشتيت شملكم باي وسيله هكذا كذلك السني qui doit bien comprendre ce point. L'islam, ils font tout pour diviser. On ne doit pas tomber dans le piège. La moindre chose, on se divise. Pas de patience, pas de nasiha, pas de remise en question. Hakada, on se divise. Et l'a'da, ils sont contents. Sache que l'ijtima', que ce soit un rassemblement autour d'un dars, un rassemblement avec des frères dans une ville, dans un pays, a'da'ullah, al-shaytan, wa junud al-shaytan, min al-ins wal-jin, ils feront tout pour diviser hada al-jam. Ils ont essayé à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, wa ila yaumina hada. Et ils font tout pour diviser les musulmans. Qala inna al-wajib ala ahli sunan yakunu muhayyain li hal mashakil al-alam kullih, fahum ahlun li dhalik. Cheikh Mokbel, rahmatullah alayhi, montre anna ahli sunna, c'est eux ahli al-haq. Ils doivent faire attention de ne pas se diviser. Et al-a'da, ils jouent avec eux. Là, ils doivent tout faire pour rester unis. Et al-mujtama', il a besoin d'eux. C'est pour ça qu'il a dit an yakunu muhayyain li hal mashakil al-alam kullih. C'est eux qui doivent résoudre les problèmes bi-idhnillah azza wa jalla. Que ce soit les problèmes dans les maisons, avec leurs parents, avec leurs voisins, que ce soit les problèmes fil masjid, à la mosquée, que ce soit les problèmes dehors, dans la rue, que ce soit les problèmes politiques ou autres. Normalement, c'est Ahl Sunnah qui ont le haq et qui doivent montrer aux autres. Amma perdre notre temps à se diviser. Et dès que tu viens rechercher la cause, il n'y a pas grand-chose. Et Shaitan, il en profite. Et kullu wahid, il veut imposer son qawl, la fierté, l'orgueil. Personne ne veut s'en mettre en question. Personne ne veut revenir. Al-harb, entre nous, al-a'da, ils sont tranquilles et ils sont contents. Et ça avance pas. Vous avez remarqué, hada, ça avance pas beaucoup. L'imada. L'imada, il y a la division. Quand tu es divisé, les fitan, tu ne peux plus avancer. La fil ilm, la fil amal, la fil da'wa, la fil shay. Fakat fulan, il a dit, fulan, il va faire, fulan, ils ont dit, hakada, on perd notre temps. Alors que l'umma, elle a besoin. Dans tous les domaines, fil aqida, kam min al-nas harafu, min al-muslimin fil aqida, tahrif wa ta'til, des shubah, yadam billah, fi al-tawhid, kam min al-nas, ils ont des problèmes fi al-tawhid, fi al-ibadat, fi al-manhaj, combien de muslims, ils ont des problèmes avec les gouverneurs, avec, ils comprennent pas encore ces masail. Fa sunni, fil haqiqa, il a beaucoup de travail. Et qui c'est qui va montrer à haoula si c'est pas ahl sunnah? On va attendre Al-Ikhwan, Al-Muslimoun qui montre, Abadan, c'est des égarés. On va attendre Jama'at al-Tablir, Abadan, c'est des Juhal. On va attendre qui? Illa Ahl-Sunnah bi-idhnillahi azza wa jal. Qala, fahum ahlun li dhalik wa ahakku bih, fahum alladhina a'tahum allahu fahm al-kitab, fahm kitab illah, wa sunnati rasulillahi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam ala al-wajhi sahih. Inna Ahl-Sunnah يعتبرون أكثر العالم الإسلامي ولكن تفرقهم واختلافهم وجهل أهل كل شعب بأحوال الآخرين جعلهم يذوبون في المجتمعات. Si tu regardes, في الحقيقة أن أهل السنة ils sont كثير ولله الحمد. Ils sont beaucoup dans plusieurs pays. لكن pourquoi ça avance pas ou ça avance pas comme ça devrait avancer? الاختلاف والفتن والقيل والقال. C'est ça qui fait ralentir. Et vous avez remarqué que toutes ces fitnes qui se passent l'un entre le sunna et toutes ces divisions, ça vient des ennemis de l'islam. Imma, ça vient d'eux directement. Imma, ils utilisent Ahl al-Bida' pour diviser tout le monde. Pourquoi ils veulent diviser tout le monde? Yalna, ils savent que Ahl al-Sunna, ils ont le haq. Et ils savent que si Ahl al-Sunna, ils se concentrent sur l'ilm, ou l'amal, ou l'da'wa, kathirun min al-nas, ils vont revenir au haq. Et si les gens ils reviennent au haq, al-kuffar et ceux qui les suivent, ils ne seront pas tranquilles. Une fitna elle s'éteint, une autre elle vient. Pourquoi? L'yanahada c'est poussé. Hada c'est manipulé de l'extérieur, lakin, ba'd al-ikhwa, ils sont rafel anhada. Ils sont rafel, et al-ba'd ils pensent qu'à eux à défendre sa position, et ils oublient tout le reste. Un qawl, rubama, une parole que tu dis, ça divise un groupe, jamais. Rubama, un mouqif que t'as pas, tu patientes pas, ça fait beaucoup de mal. Alors que c'est du din. Tu ne défends pas ton œuf, tu ne défends pas une entreprise, tu défends Din Allah Azza wa Jal. Enfin, on doit faire des concessions. On ne pense pas qu'à nous. On ne pense pas qu'à notre position. Là, sunni, il faut qu'il patiente. Il y a des choses, ça te blesse, subir. Il y a des choses, Rubama, si tu l'as fait, tu auras perdu telle chose ou telle chose dans la dunya. Isbir, si tu patientes, fal ajr indallah, il est a'zam. Il faut des concessions pour se dire. Amal bard, ils font pas de concessions, ils patientent pas, et ça sème la discorde entre les frères. Qala, wa inna la narju an yuwaffiq Allahu al-qa'imin bid-da'wa lis-sunnah. لتفقد أحوال أهل السنة ونشر والنشر عنهم وعن أحوالهم وعسى الله أن يجمع شملهم. Faire des efforts في الدعوة, s'entraider, se pardonner, patienter, se conseiller, s'orienter, tout ça بإذن الله عز وجل, il y aura du khair. Ton frère aujourd'hui il a fait une faute, demain ça sera toi. Pardonne-lui aujourd'hui, inshallah demain il te pardonne. Ton frère il a pas compris, explique-lui. Wahakada. Cette dunya, c'est ibdila. C'est ibdila. Lakin, ne pas oublier anna l'ishtima', c'est un asl, un azim, min usul hadad-din. Et on a étudié ensemble la risala de Cheikh Abdus Salam, rahmatullah alayhi. Anna min usul hadal manhaj an-nabawi, c'est al-ishtima'. Wa'atassimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Qala, awalastum ahaq al-nas ya ahl al-sunna bi jam'i al-shaml. ووحدة الكلمة ورب العزة يقول في كتابه الكريم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث أبي موسى رضي الله عنه المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. Il cite des adillah pour montrer l'importance de l'ijtima' et fait attention à Khil Karim de pas être la cause de division, être une cause de division. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هذا الاعتصام il est autour du haq, الكتاب والسنة. On fait tout pour s'écarter de asbab al-tafarruq. Que ça soit dunya, que ça soit les mensonges, que ça soit l'injustice, que ça soit le manque de patience, al-jahl. On fait attention. Al-mu'min lil-mu'min kal-bunya yashuddu ba'dahu ba'dha. Al-mu'min lil-mu'min, c'est comme un édifice, une construction. Et une construction, elle a besoin de beaucoup de choses. فالمؤمن هكذا. Tous les mu'minun, c'est comme une construction. هذا il aide هذا, هذا il supporte هذا, هذا il patiente على هذا. والحمد لله. ويقول كما في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير يقول أي النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. مثل المؤمن في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد. C'est comme un corps. Si une partie a la mal, tout le corps il souffre. هكذا المؤمنون. Si ton frère ça va pas, كذلك ça te touche. Et هذا ça va pousser à l'entraide. Si un de nous il va mal, ça doit toucher les autres. Quel jasad, c'est comme un corps. Si une partie du corps elle est touchée, enfin tout le corps il est touché par la fièvre, par la douleur, par le manque de sommeil. Il a akhir. فالرافضة شغلت العالم بإعلامها وأضلت كثيرا من الناس بل شغلتهم عن أداء مناسك الحج فالناس يأتون من كل فج عميق ليؤدوا مناسكهم وليذكروا الله في تلك الشعائر المباركة فما يشعرون إلا بخروج الرافضة بالمظاهرات الجاهلية يهتفون خميني خميني فمن الذي يستطيع أن يفرق هذه الجموع التي عتت عن أمر ربها وجعلت الحج شعارا للفوضى والصخب والدعوات الجاهلية لا يستطيع بإذن الله إلا أهل السنة إن اجتمعت كلمتهم وكانوا أهل السنة حقا. يسيت الإكزامب دل روافذ كون يدهم على فون الأمة كم ظلموا كم قتلوا كم فرقوا فكي سيكي بغا سمتر en travers de هؤلاء بإذن الله عز وجل et repousser هؤلاء إلا أهل السنة لكن بالشر c'est d'être uni على قلب واحد et d'être des أهل السنة حقا كما قال. فالسلفية أو السنة c'est pas مجرد une apparence, لا c'est une عقيدة, c'est un منهج, c'est des أعمال. C'est ça qui veut démontrer Cheikh Mouqbil. وكانوا أهل السنة حقا. C'est pour ça qu'on a étudié ensemble les fondements. لأن بعض الناس tu l'entends أنه il est من أهل السنة أو بعض الناس يبخطان أنه إلي من أهل السنة يتبوى الأعمال والأخلاق والمواقف ستخلوان دون السنة فإسك سا سوفي لا Al-Ibra, c'est bil-haqa'iq. Et nous, on n'est pas à l'abri. Al-Naqs, il est hasil. Qui l'ont fait des efforts fiha? Awoulan, on apprend aqidat ahl-sunna. Un sunni doit être à l'aqidat ahl-sunna. Et fil haqiqa, l'aqidat, c'est l'ast. Si l'aqidat est sahiha, fait ce sunni sera à la quwa, ou à thabat. Amma, une petite chose, et ça zazza tout le monde, liana l'aqidat, les dhaïfs. Awoulan, renforcer sa aqidat, l'apprendre, la mettre en application. Kadhalik, faire des efforts dans le comportement, étudier la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la biographie des sahaba, faire des efforts fil ilm. Et inshallah ta'ala, tu verras que ça ira beaucoup mieux. Amma, une étiquette, faqat. Thumma, pas d'efforts fil ilm. Surtout l'aqidah wa tawhid. Pas d'efforts dans le bon comportement. Faqat dunya, l'ayl nahar, le commerce, les projets. Une fitna, elle vient, elle divise tout le monde. C'est pas interdit de faire du commerce, c'est pas interdit de travailler et la akhiré. Lakin as-sunni les combattus de toutes parts. Fa akhil karim, donne du temps à ce ilm. Si tu donnes pas du temps au ilm, tu dois connaître ta place. Al-jahil, c'est un jahil. Al-muqallid, c'est pas un alim abadan, bel c'est pas un talib ilm. Al-muqallid, c'est un muqallid. Fa al-muqallid al-jahil, si il est occupé par dunya, fa la yadkhul fi umur la yuhsinuha. Tu sais pas, demande. On te conseille, écoute, et tu connais ton rang. Moi, j'ai pas étudié, je fais pas des farfelines, je suis occupé par certaines choses. Alhamdulillah, il reste à sa place, c'est notre frère à la khair. Al-musib al-an al-ba'd. Ni lecture, ni hiv, ni dirasa, ni ilm. Wallahi, ba'dhum, rubama, il sait pas réciter le fatiha, il connaît pas l'alphabet, rubama, et il rentre dans des messages, et rubama, il va naqash un frère qui a fait des efforts fil ilm. Ça, c'est minat dhulm. Celui qui sait pas, il sait pas. Il n'y a aucune honte. La honte, c'est de ne pas reconnaître sa situation. Mais celui qui reconnaît sa situation, inshallah, ça pourra le pousser un jour à un déclic qui fait des efforts fil ilm. قال إن هذه اليقظة الإسلامية التي أرادها الله تحتاج إلى رعاية ومن يقوم برعايتها إلا أهل السنة. Vous avez remarqué ces dernières années, depuis cette époque où Cheikh Mokbil a écrit cette risale, إلى يومنا هذا كثير من الناس يغنط في دين الله. Des jeunes, bil-akhas, yaltazimoun, yastaqimoun, ils s'accrochent à la sunna. Walillah al-ham, des gens, c'était pas des musulmans, ils se convertissent. Et des musulmans, walillah al-ham, ils s'accrochent plus à la sunna. Lakin, comme a dit le Cheikh Mokbil, tout ça, yahtaj la ri'aya. Qui c'est qui va aider haoula? C'est ahl sunna. Khassatan al-ulama wa talabat al-ilm. Fa ce groupe, ahl sunna, c'est le groupe qui a le haq, walillahi l'ham, lakin, il a besoin de revenir au savant. Amma, kullu wahid, il dit une chose, chez toi, si, al-umur, elles ne sont pas réglées, ta maman, mon dhabita, matalan, c'est le mari qui gère, c'est le père de famille qui gère, fi baytik, t'arriveras plus à gérer les choses. Anta, tu vas dire un kalam, un autre, il va dire un autre kalam, un troisième, un kalam, et c'est une vie de tab. C'est pour ça que le mas'ouliya revient au père, au mari, Rabbul Bayt. Ar-rijal qawwamuna 'ala an-nisa. Le pays, nafs al-shay, un pays où il n'y a pas un gouverneur qui obéit, c'est la fawda. Des élections, tomma, ils font des grèves, tomma des autres élections, tomma manifestation, rébellion. Wa hakada sinin, ils sont fi tab. Un pays qui obéit au gouverneur, fi ta'atillah, et quand il y a une ma'asiyah, il patiente, wa yad'u Allah, et tout le monde garde son calme, alhamdulillah, ça avance. Ad-da'wa kadalik. Une da'wa. Anna, al-shabab khassa, ils reviennent à ahl al-ilm. Quand il y a une mas'ala, personne ne se précipite, tout doucement. S'il y a une fitna, on patiente, hatta yaftah Allah, on fait des recherches bil-ilm, bil-adab, tout doucement, et on revient à ahl al-ilm, vous verrez que beaucoup de choses, ça ira très vite. Amma, wahad il parle, wahad il est d'accord, wahad il est pas d'accord, wahad il avance, wahad il recule, wahad à droite, wahad à gauche, une division wasil. Donc tout ça, ça demande un mordi. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala قال يا أيها الذين آمنوا واطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. Vous avez remarqué, dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il a cité l'asl, les sources, le Coran et le Sunnah, et كذلك المرجع. Même si t'as le Coran et le Sunnah, lakin, on ne revient pas au gouverneur, au savant, le Coran ou le Sunnah, que le wahad, il va les comprendre comme il veut. Le wahad, il va dire, tel verset ça veut dire, l'autre il va dire ça veut dire, et on se divisera. Mais revenir au gouverneur, ça va nous régler à Tonya, et revenir au savant, ça va nous régler tout ce qui est lié au Dîn. هذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.